Aristique, Chideka de Cor, Polydor, Afimiko, Mwana ya roi, oh Mwana ya sa majesté, oh Afimiko, Zalama yele, na la vie le loyon. Balingi de baswa kamingio Mbabo ya mabalao Kaka ba de tourne ma Kemi banya baninga Zongo Magi kin kese remene A kwa mambo la reine de Mazanto Soki de lobby ou de l'obaka. Album est un marché, longue histoire. Bako sa rabine la badasse faux. Un micolo tchakou du bon danse. Deux fois t'es. Le petit producteur n'a pas de JDK décor. Producteur a sengi ba producteur badala. Vien en a plastique. Des fois, tu es producteur, parce que producteur est confirmé en haut. Viens dans la plastique. Je suis en salon de Mina. Je suis en salon de Mina. Kitoko. Kitoko, petit, dans la palais. Tu es en Lubumbashi, tu es en palais, petit. Kitoko, longue histoire. Et Zozala. L'album, tu es en salon de 10 ans et le cas. Longue histoire est bimique à la mingité pour mon procureur. Double CD, s'il vous plaît.